إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue donc l'explication du livre Fadl al-Islam avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan et on continue l'explication du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a cinq éléments ou cinq points que le musulman doit respecter et que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les appliquer. On a mentionné ces cinq points-là, al-sam'u, al-ta'a, wal-jihad, wal-hijra, wal-jama'a. Donc ça, c'est les cinq points. On a expliqué ces cinq points-là hier, et on va expliquer donc le dernier point d'entre ces cinq points, parce qu'il y a, c'est ça, al-jama'a, fa'innahu man khalafa al-jama'a qayda shibrin, faqad خلع رقبة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. Donc c'est ça, le dernier point qui est mentionné par le Cheikh, le point numéro 5, c'est الدعوى بدعوى الجاهلية, d'appeler par l'appel de la jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ceux qui appellent par l'appel de la jahiliya qu'ils seront du combustible de l'enfer, seront dans l'enfer. Donc, aujourd'hui c'est le coup numéro 9, si je ne l'avais pas dit, donc, pour que ce soit clair. Le cheikh, il commence, il explique, « Al-wajib ala al-muslim, an yatabarra min umur al-jahiliya. » Donc, le cheikh dit, l'obligation pour le musulman, c'est qu'il se désavoue des choses de la jahiliya, tout ce qui a rapport avec la jahiliya. On a expliqué que la jahiliya, c'est tout ce qui est, le cheikh il va le définir de toute façon, on va dire qu'est-ce que c'est, mais c'est tout ce qui s'oppose à l'islam, c'est ça la jahiliya. Ça vient du mot jahl qui veut dire l'ignorance, ok, et da'wa al-jahiliya, c'est tout appel à une forme de fanatisme, ou à une forme de tribalisme, ou à une forme de nationalisme, ou au fait de se réunir sur quelque chose autre que sur l'islam. Donc tu appelles des gens, par exemple un groupe parmi les gens, à se réunir ensemble sur quelque chose, sur un élément, mais ça ne fait pas partie de l'islam et ce n'est pas quelque chose qui est en accord avec l'islam. Comme par exemple, de dire aux gens, bon, tous les gens qui sont musulmans, et par exemple, tous les gens qui sont musulmans, bon, on se réunit parce qu'on est musulmans, ça c'est correct. Ça fait partie de s'appeler musulman, d'appeler à l'islam. Mais si des gens disent, ok, vous tous les Noirs, on se réunit, puis on fait quelque chose ensemble, on travaille juste ensemble les Noirs. Ou vous tous les Blancs, vous travaillez tous ensemble, puis on fait quelque chose juste nous les Blancs. Ou bien, nous tous, par exemple, tel pays, des gens de tel pays, on travaille ensemble, puis on se met juste nous ensemble. Ou des choses de ce genre. Ça devient une forme de tribalisme, une sorte de nationalisme, une forme de racisme, ou une forme de d'autres choses comme ça. Ça, dans l'islam, c'est pas permis. Et le cheikh, c'est ce qu'il va expliquer. Et il y a plusieurs choses qui peuvent faire partie de cet aspect de la jahiliya, puis on va donner des exemples au fur et à mesure. Donc, l'obligation pour le musulman, c'est de se désavouer de tout ce qui a rapport avec la peine de la jahiliya ou les choses de la jahiliya. ولا يشتبه بأهل الجاهلية ولا يتشبه بأهل الجاهلية لأن الجاهلية كفر وضلال فلا يتخلق بأخلاق أهل الجاهلية الجاهلية هي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فمن حصلته النخوة والعصبية على مفارقة الجماعة فهو على خصلة من خصال الجاهلية. Donc le cheikh il dit que il faut pas non plus ressembler aux gens de la jahiliya, parce que la jahiliya c'est kufr et c'est de l'égarement, c'est dalal, et on doit pas non plus adopter le comportement et l'attitude des gens de la jahiliya. La jahiliya c'est ce qui était avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc yani, si quelqu'un il s'est laissé amener par le fanatisme, ou le tribalisme, ou le nationalisme, ou d'autres formes de ce genre, yani, il s'est laissé s'écarter des musulmans à cause de ça, il s'est séparé de la jama'a à cause de ça, alors il a en lui une caractéristique parmi les caractéristiques de la jahiliya. Hein? Il faut pas se séparer des musulmans à cause de ces éléments-là. Si tu te sépares du corps des musulmans à cause d'une de ces éléments de la jahiliya, alors ça, c'est une des caractéristiques de la jahiliya. Le cheikh il dit, وَهَذِهِ هِيَ الْجَاهِلِيَةِ لَمَّا بُعِثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَبُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ زَالَتْ الْجَاهِلِيَةِ الْعَامَّةِ وَجَاءَ الْعِلْمُ وَالْقُرْآنُ وَالسُّنَّةِ فَزَالَتْ الْجَاهِلِيَةِ الْعَامَّةِ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. ولكن قد يبقى هناك جاهليات في بعض الأشخاص أو في بعض البلدان أو في بعض القبائل. الشيخ الذكر سأسل الجاهليات. تذكر كتى قبل la venue du prophète محمد صلى الله عليه وسلم. Maintenant que le prophète صلى الله عليه وسلم est venu, la jahiliya générale elle est terminée, il n'y en a plus. Parce que la science est venue, le Coran et la Sunna sont venus. Donc maintenant jusqu'à la fin des temps, il n'y aura plus de jahiliya de façon générale. Une jahiliya globale, il n'y en aura plus. Parce que cette jahiliya globale ou générale, elle a été éliminée par le ilm de l'islam, le Coran et la Sunna. Mais le cheikh dit, ولكن قد يبقى هناك جاهليات في بعض الأشخاص. Donc, mais par contre, il se peut qu'il reste encore certains aspects de jahiliya en certains individus ou dans certains pays ou dans certaines tribus, hein, des choses de ce genre. فالجاهلية العامة زالت بالإسلام ولله الحمد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت فمن فعل شيئا من هذه الخصال فقد فعل شيئا من الجاهلية أي يكون فيه جاهلية. ولما عير أحد الصحابة أخا له بأمه فقال له يا ابن السوداء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية يعني فيك صفة من صفات الجاهلية. لشيخ الزيك la jahiliya générale elle a été éliminée par l'islam, par la grâce d'Allah, hein, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a quatre aspects ou quatre éléments de la jahiliya que ma umma, dans ma umma, ces quatre éléments de la jahiliya vont continuer, les gens ne vont pas les abandonner. Et il a mentionné parmi celles-là le fait d'être fier pour notre origine, ou bien d'insulter quelqu'un dans ses liens de parenté ou dans sa famille, ou bien de demander la pluie, ou de croire que les étoiles peuvent faire tomber la pluie ou en lien avec la pluie qui tombe, ou bien de se lamenter, faire des lamentations lorsque quelqu'un meurt. Quiconque fait une de ces choses-là, alors il a une caractéristique parmi les caractéristiques de la jahiliya. Et ça, c'est un hadith rapporté selon Abi Malik al-Ash'ari par l'imam muslim. Donc, il dit, le cheikh, il dit donc, si quelqu'un fait une de ces choses-là, il a une caractéristique de la jahiliya, comme celui, par exemple, parmi celui qui avait insulté un des sahaba, ou bien plutôt un des sahaba qui avait insulté un de ses frères en disant, par exemple, au fils de la noire. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu veux l'insulter par sa mère? Tu es une personne qui a en lui de la jahiliya, ou une personne qui a en elle de la jahiliya. C'est-à-dire qu'il y a en toi une caractéristique parmi les caractéristiques de la jahiliya. فالفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت هذه كلها من أمور الجاهلية فيجب على المسلمين أن يتركوها. Le cheikh il dit donc d'être fier pour nos ancêtres et d'insulter ou de rabaisser les autres par rapport à leur lignée ou à leur origine, hein, comme dans Sharh Masail al-Jahiliya. Là, j'ai continué à le faire sur Paltalk, et le cheikh il expliquait ça, il donnait des exemples que Al-Fakhru Bil-Ahsab, il y a des gens qui prennent la fierté de leurs ancêtres, et puis je donnais l'exemple par exemple de qu'est-ce qui se passe par exemple dans certains pays africains comme par exemple au Sénégal ou ailleurs, quand il y a quelqu'un qui se marie ou quelque chose, ils amènent des griots pour faire les éloges de cette personne. Et là, la personne va venir et puis elle va commencer à mentionner qu'est-ce que son grand-père a fait, qu'est-ce que son arrière-grand-père a fait, qu'est-ce que son père a fait, des choses comme ça. Et le cheikh, il a dit, ça fait partie de les choses de la jahiliya. Il dit, ça fait partie de al-fakhru bil-ahsab. Et je suis tombé justement sur un site internet où il y avait un cheikh soufi justement du Sénégal. Son frère il vit à Montréal et je ne savais pas le nom de son frère auparavant, maintenant je le sais parce que je suis tombé dessus. Il a le même nom de famille, donc c'est un des élèves de celui qui s'appelait Ibrahim Nias. Il s'appelle Hassan Sissé. Oui, c'est ça. Et l'autre, son frère ici, s'appelle Bachir Sissé. Donc, subhanallah, on a eu un gros débat avec lui l'autre jour. Allah musta'an, il disait que son frère, Hassan Sissé, Allah lui a donné le kun fayakun. Hein? Allah musta'an. Donc ça, c'est des exemples de kun fayakun. Comme si l'ordre créationnel, hein, l'impératif créationnel. Tu dis à quelqu'un soit et, tu dis à quelque chose soit et cette chose-là est. Alhamdoulilah, ça c'est, il dit que son frère il a ça, c'est grave, donc, exactement, donc là, qu'est-ce qui se passe, subhanallah, j'écoutais une conférence qu'ils ont mis sur ce site-là, et puis la personne qui faisait l'introduction c'était un de ces griots-là. Et puis ils ont traduit, ils ont fait l'affaire en Wolof, je crois. Puis après ils l'ont traduit. Je ne sais pas si c'était en Wolof ou en Polar, en tout cas un des deux. Après ils l'ont traduit en anglais. Ce n'est pas là. Ah, ils ne parlent pas Polar, ok. Un griot en Haïti, c'est le porc grillé, hein. Et au Sénégal, un griot, c'est quelqu'un qui, c'est comme un chanteur, tu vois, un poète, historien. C'est ça fonctionne de père en fils. C'est ça. Il mémorise les généalogies des gens. Et puis, il raconte leur histoire. Il sort son portefeuille, il lui donne l'argent à la personne qui chante, qui dit, qui le glorifie là. Ah ouais? Ouais, c'est comme ça. Ouais. Franchement, là, je les ai vus comment ils font, c'est incroyable, man. Attends, puis là, là qu'est-ce qui est arrivé? Il traduisait en anglais, qu'est-ce qu'il a dit en Wolof? Ah, mais c'était grave. Il a dit, cet homme, hein, il a mémorisé le Coran avant l'âge de 10 ans. Et je dis pas qu'il l'a juste mémorisé comme ça, là, non. Il a connu, il a mémorisé, il a compris sa signification lexique, symbolique, allégorique. je sais pas, il a nommé plein d'affaires encore. J'ai dit, waouh, ça c'est incroyable, à 10 ans, il a compris tout ça. Après, il disait des choses que lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, Allah savait qu'il allait être le khalifa de je sais pas quoi, ou en tout cas toutes sortes de trucs. Après, il mentionnait son père, que son père lui aussi avait mémorisé jusqu'à l'âge de 10 ans tout le Coran, et il disait son grand-père, il était le chef personnel, hein, le marabout personnel de Jamal Abdel Nasser en Égypte. En tout cas, il racontait plein d'histoires là comme ça. Je me suis dit à moi-même, j'ai dit subhanallah, ça c'est du rouleau. Il a écrit un livre de 70 volumes sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il n'y a aucun savant dans l'histoire de l'islam en tout entier qui a écrit une chose comme pareille. J'ai dit bon, ça c'est de l'avantardise, hein. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mais il y a souvent des histoires comme ça chez les soufis, yani. Naam. Anta gamil ya masha Allah. Tabarak Allah. Tu nawwir al masjid masha Allah. Insha Allah. Ouais, c'est sûr. Il est pas un djinn. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est ça? C'est que c'est pas seulement pour ces gens-là, n'importe qui, en principe, il faut pas se vanter de cette manière-là, de qu'est-ce qu'on a fait, ou de nos ancêtres. Et le cheikh, il disait, en particulier, si c'est des questions de la religion, ou des adorations, commencer à se vanter de notre adoration, ou des choses qu'on a fait de bien dans la religion, ben c'est grave. Et si c'est des choses de la dunya aussi, c'est pas bien de se vanter comme ça. Et après, le cheikh, il dit, donc, d'insulter les origines des autres. Comme par exemple, il donnait des exemples, il disait, comme par exemple, quelqu'un dit, ah, un tel, il est de telle origine, de telle lignée. Ah, lui, il vaut rien. Hein? Un tel, il est de telle famille. Ah, cette famille-là, il ne vaut rien. Des choses comme ça. Ça, c'est des exemples des choses de la jahiliya. Al-istisqa bin Nujum, on l'a mentionné, ceux qui croient que les étoiles peuvent faire tomber la pluie, ou des choses comme ça, et les lamentations pour les morts. طيب, donc, le cheikh il dit, kulluha min umur al-jahiliya. Hadi kulluha min umur al-jahiliya. Donc, fayajib ala al-muslimin an yatrukuha. Wa kadhalika al-asabiyatul qabaliya. Wa an yata'assab al-insan li qabilatihi. فالمسلمون كالجسد الواحد ليس هناك فرق بين مسلم وآخر ولا يتميز بعضهم عن بعض بنسب ولا بحسب كلهم مسلمون فلا يتعصب أحد لقبيلته إذ كلهم مسلمون وهم يد واحدة وبنيان واحد وحسبهم واحد فلا يتعصب أحدهم لقبيلته أو لرئيسه أو لشيخه هذه من أمور الجاهلية أما المؤمن فإنه يرجع إلى الحق مهما كان ويقبل الحق مع من كان وينقاد له سواء كان الحق مع رئيسه أو قبيلته أو جماعته أو مع غيرهم من المسلمين. Donc le cheikh il explique ici, il dit donc, toutes ces choses-là font partie des choses de la jahiliya, et c'est obligatoire pour les musulmans de les abandonner. De même que, yani, le tribalisme, que quelqu'un par exemple, il devient fanatique pour sa tribu. Hein. Il aime sa tribu à un point tel que, yani, il la défend dans le vrai ou dans le faux. Il est avec eux dans le vrai et dans le faux. Ça, c'est pas correct. Et le cheikh il dit donc, yes, vous savez ceux qui font des distinctions entre les musulmans, ils font des divisions entre les musulmans par rapport à ces choses-là, par rapport à leur tribu. Il voit ses frères musulmans, il préfère sa tribu que ses frères musulmans, dans le sens que peut-être que les gens de sa tribu sont des musulmans, mais lui il regarde pas par rapport à qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre en considération, c'est-à-dire la piété et la taqwa et de s'aimer en Allah et de se détester en Allah. Eux, ils prennent seulement en considération les liens de tribus ou des choses de ce genre. Comme si pour dire, par exemple, je préfère, ils vont dire, quelqu'un de ces gens-là dirait, par exemple, je préfère quelqu'un de mon pays, même s'il n'est pas un bon musulman, que quelqu'un d'un autre pays qui est musulman. Il y a des choses comme ça aussi, ça fait partie de ça, des fois. Mais, comme si ça peut être expliqué des fois d'une autre façon aussi, dans le sens qu'il y en a des gens qui vont dire, bon, moi je veux marier ma fille à quelqu'un, mais je veux pas que ma fille, elle va quitter trop, aller loin, trop loin, parce que je voudrais que on garde toujours un contact avec notre fille et des choses comme ça. Ça, ça peut être des choses qui sont plus compréhensibles, mais de dire à quelqu'un non, je veux pas accepter que tu maries ma femme, que tu maries ma fille parce que c'est de telle origine ou de telle couleur ou des choses de ce genre, sans prendre en considération la religion, ça c'est pas correct. Si quelqu'un dit moi je donne ma fille à un fasiq qui est de mon pays, mais je donne pas un taqi qui est d'un pays étranger ou d'une couleur étrangère ou d'une autre langue ou des choses de ce genre. Donc ça c'est ça al-asabiyya. Ou bien comme par exemple quelqu'un qui dit bon, moi je suis de tel pays et puis je m'associe avec des musulmans de mon pays, même s'ils font pas la salat, même s'ils prient pas, même s'ils respectent pas l'islam, même s'ils font le haram, je préfère cela que de m'associer avec des musulmans qui prient, qui font la salat et qui sont des bons musulmans, mais qui sont de telle origine ou de tel pays. Ça, c'est une forme de ta'assub. Ça divise les musulmans. Donc, le cheikh, il dit que les musulmans, ils sont un seul corps, le jasad al-wahid. Et il ne faut pas qu'il y ait des distinctions entre un musulman et un autre. Qu'un musulman se distingue d'un autre à cause de ses origines, ou à cause de sa lignée, ou des choses de ce genre. Pour dire, moi, je suis noble, toi, t'es pas noble. Entre les musulmans, ça ne doit pas exister, ces choses-là. Moi, je suis noble, je suis d'une grande famille, et toi, t'es pas noble, t'es d'une famille basse, donc, je veux rien savoir de toi. Entre les musulmans, ça ne doit pas exister, ces choses-là. Nous, on est tous musulmans, et on doit être comme une seule main, et comme un seul corps, comme une seule construction, et on peut dire qu'en fait on est tous nobles, du moment qu'on est musulmans, le cheikh il dit, « wa hasabuhum wahid », donc s'ils sont tous au même niveau dans la noblesse, si on est musulmans, notre noblesse c'est l'islam. « Fa yata'assabu ahadun li qabilatihi », donc quelqu'un ne doit pas s'accrocher fanatiquement et se distinguer des autres par rapport à sa tribu, ou par rapport à son chef, ou par rapport à son cheikh, par rapport à ces choses-là, ça fait partie de la jahiliya. Le mu'min, le croyant, il doit revenir à la vérité, peu importe où elle est et avec qui elle est. Il doit accepter la vérité et s'y soumettre. Peu importe que la vérité soit avec son chef, ou avec sa tribu, ou avec son groupe, ou avec d'autres parmi les musulmans, il doit accepter la vérité. Après le cheikh dit, wa fi ihda al-ghazawat tashajara shakhsun min al-ansar ma'a shakhsin min al-muhajirin faqtatala tadaraba faqala al-muhajiri ya lil-muhajirin wa qala al-ansari ya lil-ansar فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. Donc ici c'est un hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim selon Jabir ibn Abdullah. que dans une des batailles dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, il y a eu deux hommes qui se sont disputés. Un parmi ces hommes faisait partie des Ansar et l'autre faisait partie des Muhajirin. Et ils se sont battus, hein, ils se sont disputés, donc ils se sont battus. Alors le Muhajiri, celui qui vient de Mecca, qui a fait la Hijra, il a appelé les autres Muhajirin, pour dire, oh les Muhajirin, venez à mon aide, venez m'aider contre celui-là. Et le Ansari, il a appelé les Ansar, parce que les Ansar c'est les habitants de Médine. Il a dit, oh les Ansar, venez m'aider. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a dit, est-ce que j'entends l'appel de la Jahiliya alors que je suis présent parmi vous, hein, et vous faites ces genres de choses? Il dit, laissez tomber ce genre de choses-là parce que ça sent mauvais, ça pue, hein, c'est mauvais. Muntin, quelque chose qui est muntin, c'est quelque chose qui sent mauvais, qui est pas bon, hein, qui sent pas bon. Donc il a dit, da'ouha, fa innaha muntina. Muntina, ça veut dire quelque chose qui sent mauvais. فلا يجوز للإنسان أن يتعصب لقبيلته أو يحتمي بقبيلته خاصة بل يحتمي بالمسلمين عموما فالنبي صلى الله عليه وسلم عد هذه الدعوة من أمر الجاهلية والله جل وعلا يقول لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم ولتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ويقول سبحانه وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ويقول جل وعلا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية ودعوى الجاهلية والقومية العربية وحكم الجاهلية قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون Le cheikh il dit, il ne faut pas qu'un musulman il s'attache fanatiquement à sa tribu et qu'il cherche la protection ou la défense de sa tribu en particulier. Il doit chercher la protection et la défense des musulmans en général. Hein? Il dit, oh les musulmans, venez m'aider. Hein? S'il a un problème, il ne dit pas, oh les Ansar ou des choses comme ça. Hein? Donc c'est comme ça. Si par exemple un musulman haïtien il a des problèmes avec un autre musulman de notre pays, il dit pas, oh les haïtiens, venez m'aider. Abid da'wa al-jahiliya. Hein, tu devais lui dire ça, Abid da'wa al-jahiliya. Ça c'est grave. C'est exactement ça. Nous, on est musulmans et on doit faire notre da'wa selon l'islam. On appelle par les noms de l'islam, pas par la jahiliya. Hein. On dit, ok, ok, les Québécois, allez, venez, les musulmans québécois, hein? Ils ne vont pas venir, c'est vrai. Allah Musta'an. Nassallallah al-Afiya. Ah oui, c'est ça, oui, les fanatiques de hockey, là. Nassallallah al-Afiya. Donc, le cheikh, il a dit, donc, il n'est pas permis donc de s'attacher fanatiquement à sa tribu ou ce genre de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compté ça comme faisant partie de la jahiliya, des choses qui, déjà qui appellent à la jahiliya ou qui utilisent l'appel de la jahiliya. Chef, il mentionne aussi d'autres exemples. Il dit, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il dit des femmes, il dit aux femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ne faites pas le tabarruj de la jahiliya. Le tabarruj de la jahiliya, c'est quoi? At-tabarruj, le mot tabarruj, ça veut dire quand la femme, elle expose certains de ses atours, quand elle sort. Soit qu'elle laisse paraître une partie de son corps à travers ses vêtements, soit parce qu'elle porte des vêtements qui sont par exemple très collants sur la peau, ou bien que ce soit des vêtements qui sont transparents, qui laissent voir à travers, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle tabarruj. Ou bien tabarruj aussi, ça peut être par des exemples, par exemple une femme qui marche qui prend une certaine démarche quand elle marche dans la rue. Elle marche d'une manière pour faire de la fitna, ou bien elle parle d'une façon pour faire la fitna, ou bien elle fait du bruit avec ses chaussures ou avec ses bijoux pour faire attirer l'attention. Tout ça, ça fait partie de tabarruj al-jahiliya, ok? Et Allah subhanahu wa ta'ala a critiqué ça, et il l'a appelé tabarruj al-jahiliya. Et il mentionne des exemples aussi, comme dans le verset 154, dans surat al-Imran, يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. C'est-à-dire, ils pensent à propos d'Allah autre que la vérité, les pensées de la jahiliya. Et il mentionne aussi le verset 26 dans surat al-Fath, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement حمية الجاهلية. Encore une fois, que les koufars ont mis dans leur cœur Hamiyat al-Jahiliya, verset 26 dans Surat al-Fath. Hamiyat al-Jahiliya, donc toutes ces choses-là, depuis que quelque chose est associé à la Jahiliya, ça veut dire que c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est détestable et qui est rejeté par l'islam. Que ce soit le tabarruj, que ce soit le Hamiyya, que ce soit Da'wa al-Jahiliya, que ce soit le nationalisme arabe, que ce soit toute autre chose qui est reliée à la jahiliya, le verdict ou le jugement de la jahiliya, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, afa hukm al jahiliyati yabghun, est-ce que c'est le verdict de la jahiliya qu'il cherche? Le verdict de la jahiliya, c'est le jugement qui est basé sur, par exemple, les traditions ou les coutumes ou sur les lois faites par les hommes ou tout ce qui est contraire à la charia d'Allah. Donc, كلها مرفوضة نحن مسلمون أعزنا الله بالإسلام كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله فالعزة إنما هي بالإسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Donc le Cheikh il dit que nous sommes musulmans et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la puissance et la fierté par l'islam, et si on cherche la puissance dans autre chose que l'islam, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il va nous humilier. Ça, c'est Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui a dit cette parole-là. Nous sommes une umma qui a été honorée, où Allah nous a donné la puissance par l'islam. Et si on cherche la puissance en autre chose que l'islam, Allah nous humilie. Et c'est ça ce qui se passe maintenant. Quand, par exemple, les musulmans cherchent la fierté dans autre chose que l'islam, dans le fait qu'ils sont, par exemple, les nationalistes arabes, ou le nationalisme d'un autre pays, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui amènent l'humiliation sur les peuples. Maintenant, c'est ce qui se passe. On était dans un restaurant une fois avec un frère, puis il montrait les chaînes paraboliques, les chaînes satellites des pays arabes maintenant. Quand on voyait ça, on voyait que c'est maintenant devenu comme, qu'est-ce qui se passe quand on montre les émissions chez les koufars, maintenant les musulmans, ils font les mêmes émissions et les mêmes styles de vidéos et des trucs comme ça. Donc, on dirait que, en fait, c'est pour montrer aux Arabes qu'ils sont devenus maintenant évolués comme les Occidentaux. C'est comme ça qu'ils veulent faire se montrer à la télé. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand tu vois ça? Tu regardes ça, tu dis, subhanallah, on dirait qu'ils veulent faire éliminer toute trace de l'islam dans qu'est-ce qu'il montre dans ses chaînes de télévision. Donc ça, c'est grave. Tout ce qui est pervers, tout ce qui est haram, ils le mettent à la télé et ils le montrent comme si c'était normal. Donc, à cause de ça, Allah les a humiliés. Parce qu'ils veulent faire la fierté de ce peuple en montrant qu'ils sont évolués, en suivant les koufars, au lieu de montrer la fierté en étant fiers de l'islam et de leur obéissance à Allah. Donc le cheikh, il dit, la vraie puissance, elle est uniquement dans l'islam. et il mentionne le verset 8 dans Surat al-Munafiqoun, dans lequel Allah, il dit, et c'est à Allah qu'appartient la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les munafiqins ne le savent pas. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Les munafiqins, tu peux t'approcher. Hein, les munafiqins, c'est-à-dire les hypocrites, ils ne savent pas, hein, que la puissance c'est à Allah, à son messager et aux croyants. هذه هي أمور الجاهلية فالواجب رفضها وتركها والابتعاد عنها والشيخ كما تعلمون له رسالة اسمها مسائل الجاهلية وذكر فيها عدة أمور من أمور الجاهلية للتحذير منها ففيها أكثر من 100 مسألة أو أكثر من 120 مسألة كلها من مسائل الجاهلية يجب على المسلم أن يتجنبها ويتجنب غيرها من أمور الجاهلية. Donc le cheikh, comme on disait, hein, il a montré que les musulmans doivent avoir la fierté et la puissance en leur religion, pas chercher la puissance en autre chose que ça. Et ça c'est donc un rappel pour nous et pour tous les musulmans en fait de pas chercher la fierté en autre chose que l'islam. Que ce soit, c'est pas seulement les arabes. Tous les peuples musulmans, que ce soit les Turcs, que ce soit les frères de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit les gens du Pakistan ou de l'Inde, maintenant c'est ce qui est en train de se passer. Ils cherchent leur fierté dans quoi? Dans le sport, dans les équipes de matchs de foot, quand il y a des équipes, chaque pays il veut montrer sa fierté parce qu'il est meilleur que l'autre pays dans le foot ou des choses comme ça. Quand c'est les histoires de films. En Inde, ils font plein de trucs de films, et puis ils montrent qu'ils veulent montrer une image. Les Arabes, maintenant, la même chose. Donc, c'est pour dire qu'ils cherchent leur fierté dans des choses qui sont futiles, dans des choses qui n'ont aucune valeur réelle. Et la seule raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va leur redonner leur puissance et leur honneur, c'est s'ils prennent en main leur responsabilité et leur religion et qu'ils l'appliquent. Donc là, après, Allah va leur donner la fierté. Et le cheikh, il dit, ensuite, donc toutes ces choses-là, c'est obligatoire de les rejeter. Tout ce qui est relié à la jahiliya, il faut les abandonner et il faut s'en éloigner. Et il dit, comme vous savez, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a une risala qu'il a écrite qui s'appelle Masa'il al-Jahiliya. On a commencé à faire les cours là-dessus, avec ce livre-là déjà, et maintenant on a presque fini le livre sur Pal Talk. Donc, dans ce livre, Masa'il al-Jahiliya, il mentionne plusieurs points parmi les choses de la Jahiliya et il avertit, il met en garde contre ces points-là. Il y a plus que 120 points ou questions qui sont mentionnées parmi ces questions-là. En réalité, il y en a 128. Et il met en garde contre ces différentes questions qui ont rapport avec la Jahiliya. Et c'est obligatoire pour le musulman de s'en écarter et de s'écarter de tout ce qui a rapport donc en général avec la jahiliya. وقال ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم هذا وعيد شديد لأنه يكون من أهل النار بسبب أنه دعا بدعوى الجاهلية والواجب أن المسلم يدعو بالإسلام لا بدعوى الجاهلية فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله يعني يكون من جثى جهنم وإن صلى وصام أي يعذب بهذه الخصلة والمؤمن قد يعذب في النار وإن لم يكفر فإنه قد يعذب بكبيرة في النار ويخرج منها بعد ذلك. Le cheikh il explique, il dit que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui appelle par l'appel de la jahiliya, il sera du combustible de l'enfer. Ça c'est une menace très sévère, hein, c'est-à-dire qu'il sera parmi les habitants de l'enfer à cause du fait qu'il a appelé à une chose qui est reliée à la jahiliya. Et l'obligation pour le musulman, c'est d'appeler par l'islam et non par la jahiliya. Hein? Donc le cheikh, il dit ensuite qu'un homme lui a posé la question, « Ô messager d'Allah, même si cette personne-là, elle prie et elle jeûne, hein? » Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, même si elle prie, même si elle jeûne. Donc, appelez par l'appel d'Allah, par laquelle il vous a appelé, musulman ou croyant ou serviteur d'Allah. Donc, quand vous avez quelque chose, vous avez besoin de l'aide des musulmans, vous avez besoin d'un problème ou quelque chose comme ça, vous appelez pas par l'appel de la jahiliya selon la tribu ou selon la race ou selon la couleur ou selon la langue ou des choses de ce genre. Non, vous allez appeler selon les noms que Allah vous a donnés. Musulmans, croyants, serviteurs d'Allah. Oh les serviteurs d'Allah, venez m'aider, hein, s'ils sont présents. Oh les musulmans, venez à mon aide. Mais c'est pas de appeler les gens selon leurs d'autres critères ou d'autres choses en dehors de ça. Et il dit, quand on dit que ils seront en enfer, même s'ils prient, même s'ils jeûnent. Le cheikh, il dit, ils seront en enfer, ça veut dire qu'ils vont être punis à cause de cette caractéristique-là. Il dit que le croyant, c'est possible qu'il soit puni en enfer. Même s'il n'a pas rejeté la foi, même s'il n'est pas sorti de l'islam, il peut quand même entrer en enfer, le musulman. Hein? Le musulman, il peut rentrer en enfer s'il a commis des grands péchés. Et il va être châtié dans l'enfer pour ce grand péché-là qu'il a commis, puis après ça, il va sortir de l'enfer. Il ne va pas rester éternellement, mais il va sortir de l'enfer. Mais c'est une menace quand même. Après, le cheikh, il explique un autre hadith. Il dit, « وَفِي الْحَدِيثِ وَفِي الصَّحِيحِ مَنْ فَارَقَ الْجَمَعَ قَيْدَ شِبْرٍ فَمَاتْ فَمَيْتَتُهُ جَاهِلِيَّةً » Il dit que dans le hadith sahih rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit que celui qui s'est séparé de la jama'a d'une petite distance et qu'il meurt dans cette situation-là, alors sa mort sera une mort de la jahiliya. Hein? Il meurt dans un état comparable à celle de la jahiliya. Et le cheikh Al-Fawzan explique ce hadith-là, il dit « هذا أيضا في الحث على لزوم الجماعة ومن فارق الجماعة قيد شبر أي ولو قليلا أو أدنى مفارقة للجماعة مات على هذا ولم يتب مات على هذا ولم يتب هذا وهذا فيه فتح مجال لمن ابتلي بشيء من الشذوذات والمخالفات بأن يتوب قبل الموت أما إذا مات قبل أن يتوب فإنه يموت ميتة جاهلية يعني يموت ومعه خصلة من خصال الجاهلية لشيخ الزي كإجالمان في حديث لا إنو بنسيت أرستي أفك لا جماعة يعني ne pas se diviser rester avec la jama'a et de ne pas se diviser de la jama'a ou de se séparer de la jama'a même une petite distance ok parce que le cheikh il dit يعني peu importe la grandeur de la séparation, quand tu te sépares de la jama'a, si tu meurs dans cet état-là, puis que tu ne t'es pas repenti avant ta mort, alors, yani, tu vas mourir d'une mort de la jahiliya. Le cheikh il dit, parce que si tu meurs sans te repentir, ça ouvre une possibilité pour la personne qui a été, yani, ça ouvre une possibilité pour les gens qui ont des idées un peu qui contredisent l'islam ou des choses comme ça, de commencer à peut-être faire des problèmes avec ces idées-là. Et donc, il y a une porte pour cette personne-là maintenant de se repentir. Parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Famat ». Donc, c'est pour dire que s'il ne meurt pas sur cet état-là, il peut se repentir avant sa mort. Donc dans ce cas-là, s'il se repent, c'est un bien pour lui. S'il est venu avec des idées comme ça, qui contredisent l'islam ou des choses comme ça, il peut se repentir. Donc s'il se repent avant sa mort, c'est correct. Mais s'il meurt dans cet état-là sans s'être repenti, alors il meurt dans une mort comparable à l'état de la jahiliya, c'est-à-dire qu'il meurt avec une caractéristique parmi les caractéristiques de la jahiliya. Ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam ou qu'il devient mécréant comme dans la jahiliya, non. Ça veut dire qu'il a commis un péché et il meurt dans un état qui est comparable à l'état des gens qui vivaient avant l'islam. Parce que les gens avant l'islam, ils n'étaient pas réunis autour d'un dirigeant. Avant l'islam, chaque tribu se combattait les unes les autres, hein, et l'islam est venu pour toutes les réunir. Et après l'islam, toutes ces tribus-là sont devenues une seule umma, une seule nation, dirigée par un seul homme, un seul dirigeant. Donc ça c'est qu'est-ce que l'islam ordonne, de s'unir autour de notre dirigeant en se basant sur l'islam et sur la vérité. Ensuite il donne un autre hadith, وَفِيهِ أَبِي دَعْوَ الْجَاهِلِيَّ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُورِكُمْ. Ça c'est le hadith qu'on a expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous appelez à l'appel de la jahiliya alors que je suis présent parmi vous? Ça c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Jabir, on a dit tout à l'heure. Et le cheikh il explique, il dit هذا في القصة التي ذكرت سابقا في إحدى الغزوات لما اقتتل شابان أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار وكل منهما دعا جماعته فالمهاجري دعا المهاجرين والأنصاري دعا الأنصار وهذا من دعوة الجاهلية وهؤلاء مسلمون لا يجوز أن يدعوا بدعوة الجاهلية. Le cheikh il dit, ça c'est dans l'histoire qu'on a mentionné tout à l'heure, dans une des batailles, quand on a dit que deux jeunes se sont battus, un parmi les muhajirin et l'autre était parmi les ansar, et chacun a appelé son groupe pour venir le défendre, le muhajiri a appelé les muhajirin et l'ansar a appelé les ansar, ça fait partie de la da'wah de la jahiliya, parce que ceux-là sont des musulmans et donc ils n'ont pas le droit d'appeler par la da'wah de la jahiliya. Après il mentionne un autre hadith qui est rapporté par en fait c'est pas un hadith pardon, c'est les paroles du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Abu al-Abbas. La kunya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah c'est Abu al-Abbas. Ibn Taymiyyah sa kunya c'est Abu al-Abbas. Il dit wa qala Abu al-Abbas kullu ma kharaja an da'wa al-jahiliyyah aw an pardon, kullu ma kharaja an da'wa al-Islam wal-Qur'an min nasab aw balad أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout ce qui sort de l'appel de l'islam ni du Coran, que ce soit un nasab, de la généalogie ou l'origine d'une personne, hein, ou que, c'est-à-dire que des gens s'appellent à l'aide ou se viennent en aide entre eux selon leur origine, selon leur pays, selon leur race, leur couleur, selon leur madhab, hein, selon leur tariqa, tout ça, ça fait partie de la jahiliya. Ça m'a choqué une fois justement quand j'étais en train d'écouter la vidéo, il y avait des commentaires parce qu'il est mort, le cheikh soufi dont je t'ai parlé, là, il était mort. Donc il y a des membres de ses fidèles, parmi ses fidèles aux États-Unis, qui donnaient leurs commentaires et qui expliquaient qu'est-ce qu'ils ont connu de cet homme-là et tout et tout. Donc il y en a une qui donnait son commentaire, elle disait « Oh, elle dit, quand j'ai embrassé l'islam au début, j'étais avec Elijah Muhammad. » Elle dit que Dieu le pardonne. Donc Elijah Muhammad, pour vous dire, c'est que Elijah Muhammad c'est le faux prophète des États-Unis, du groupe des Black Muslims, qui s'est prétendu être un messager d'Allah. Donc elle était avec ce groupe-là. Elle dit qu'elle avait embrassé l'islam avec eux. Ça c'est incorrect de dire ça puisque les Black Muslims ne sont pas musulmans. Ça c'est de un. De deux, elle a demandé le pardon d'Allah pour lui, Elijah Muhammad. Et ça, c'est interdit, puisque l'islam nous interdit de demander le pardon pour un kafir, hein, et surtout quelqu'un comme lui qui était un dajjal, yani, qui s'est prétendu prophète, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est encore plus grave. Et en plus, elle a mentionné, elle a dit, après je suis devenu Tijaniya. Donc j'ai dit, subhanallah, c'est comme si, yani, quand tu entends des gens comme ça, ils te disent, oui, je suis devenu musulman, après je suis devenu Tijaniya. Comme si elle s'est convertie encore une fois, yani, à l'intérieur de l'islam, soi-disant, elle se serait encore une fois convertie. وَأَحْلَهُمَا مُرْ comme on dit, et le plus sucré des deux est amer. Hein, ça c'est une expression qu'ils disent en arabe. Donc, c'est grave quand même. Tu vois des gens, ils sont musulmans, on leur demande de se convertir à l'intérieur de l'islam à quelque chose d'autre, à l'intérieur de l'islam. Ça c'est pas correct ça. L'islam c'est pas suffisant. C'est comme une fois, il y a une Sénégalaise qui me disait, je suis Tijaniya de mon père, et mourir de ma mère. j'ai dit, est-ce que l'islam c'est pas suffisant? J'ai dit, subhanallah. J'ai dit, c'est quoi ça? Elle m'a dit, c'est des confréries. J'ai dit, est-ce que l'islam c'est pas la plus grande confrérie? C'est pas cette confrérie-là qui nous suffit. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Et donc le cheikh, il dit, cheikh l'islam, Ibn Taymiyyah, il dit, toute personne qui sort de la paix de l'islam, ou du Coran, soit à cause de son origine, ou de son pays, ou de sa couleur, de sa race, ou de son madhab, ou de sa tariqa, alors il fait partie des, ça fait partie des appels de la jahiliya, ou des éléments de la jahiliya. C'est quelque chose qui s'attribue à la jahiliya. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, « Qala Abu al-Abbas, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, pardon, Hassan, est-ce que tu peux allumer la lumière? Il commence à faire sombre un peu. Cheikh dit, قال Abu al-Abbas, Cheikh al-Islam, rahimahullah, مبينا ما هي الجاهلية, الجاهلية كل ما خرج عن الإسلام والقرآن. فالواجب على المسلم أن ينتسب إلى الإسلام والقرآن ولا ينتسب إلى القبيلة أو البلد من باب الحمية والافتخار. فلا يجوز أن يعتز بالقبيلة بل يعتز بالإسلام ولا يعتز بالبلد فبلاد المسلمين كلها سواء لا ميزة لبعضها على بعض إلا ما ميزها الله عن غيرها كمكة والمدينة أما بقية بلاد المسلمين فكلها سواء كانت في المشرق أو في المغرب كلها لا يعتد المسلم بالنسب أو بالبلد أو بالجنس فيقول أنا عربي وأنت أعجمي هذا لا يجوز ما دام الآخر مسلما فهو أخوك إنما المسلمون إخوة عرب وعجم جن وإنس كلهم إخوة بالإيمان والإسلام. Donc le cheikh il dit que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, hein, rahimahullah, il a expliqué qu'est-ce que c'est la jahiliya. Il a dit que la jahiliya c'est tout ce qui sort de l'islam et du Coran. Donc l'obligation pour le musulman c'est d'appartenir à l'islam et au Coran, et non pas de s'affilier à une tribu ou à un pays dans le sens d'être fier de ça et de se vanter de ça. Ça c'est pas permis que quelqu'un se sente fier, hein, par rapport à sa tribu, ou de se sentir, yani de chercher la fierté en autre chose que l'islam. Le musulman, il doit sentir qu'il est fier par rapport à son islam, non pas par rapport à son pays, hein, parce que les pays musulmans sont tous égaux. Il n'y a pas de distinction entre un pays ou l'autre. Et on voit ça des fois, des sortes de fanatisme ou de nationalisme, ou de, il y a eu de la part de certains musulmans, Allah musta'an, et puis on voit que il y en a qui mettent leur drapeau partout, puis ils disent par exemple tel pays ou telle nationalité number one, hein, et des choses de ce genre. Il y a plein de rivalités même des fois entre certains musulmans de certains pays, hein, ils se font la compétition entre eux par rapport à l'origine. Et c'est grave. Il y en a par exemple, ils dénigrent des musulmans d'un tel pays. Et quand c'est quand un musulman fait quelque chose de mal de tel pays, les gens disent, ah ben ça, c'est normal, c'est, il vient de ce pays-là. Et si quelqu'un fait quelque chose de bien dans un autre pays, c'est comme s'il se vante et dit, ah oui, parce que nous on est bon, ou des choses de ce genre. Ça c'est de l'ignorance, hein. Ça c'est pas correct d'agir comme ça. On est tous des musulmans. Et ces pays-là, bon, alhamdoulilah, c'est des pays musulmans. Ils sont tous, comme le cheikh il dit, il n'y a pas une distinction entre un et l'autre. Tous les pays musulmans sont égaux. C'est ça que le cheikh il dit. Le cheikh il dit, tous les pays musulmans, ils sont égaux. Il n'y a pas une particularité à un pays sur un autre, excepté ce que Allah a distingué, comme par exemple la Mecque et Médine. Ça, il y a une supériorité parce que elle a des mérites spécifiques. Mais sinon, tous les autres pays musulmans, ils sont tous égaux. Il n'y a pas un meilleur que l'autre ou un, etc., des choses de ce genre. Que ce soit à l'Orient ou que ce soit à l'Occident, tous les pays musulmans sont égaux. Et donc, les musulmans, ils ne doivent pas commencer à faire des divisions comme ça, puis à faire des problèmes avec les autres à cause de leur origine ou de leur pays ou de leur race ou de leur couleur, et de dire par exemple, comme le cheikh dit, « فَيَقُولْ أَنَا عَرَبِي وَأَنْتَ أَعْجَمِي هَذَا لَا يَجُوزُ » Le cheikh dit, tu ne dois pas commencer à dire, « Bon, moi je suis arabe, toi t'es non-arabe, hein, » ou des choses comme ça. Moi je suis pakistanais, toi t'es indien, ou des choses comme ça. Si on est musulman, on est musulman, c'est ça qui nous unit, et on doit tous être des frères. Malheureusement, Allah musta'an, la jahiliya est rentrée dans le cœur de certains musulmans tellement profondément que des fois, peu importe les hadiths, peu importe les versets que tu leur cites, peu importe les hadiths que tu leur mentionnes, ils ne veulent rien écouter. Ou bien ils te le disent comme ça devant tout le monde, ils disent « ouais, ouais, c'est bien », quand ils sont ensemble ou quand ils sont tout seuls, là tu les vois commencer à vider leurs histoires, commencer à dire des choses sur les autres musulmans qui viennent de d'autres pays, commencer à dire, ah, un tel, ces gens-là de tel pays sont pas bons, ces musulmans de tel pays-là sont pas bons, hein, des choses comme ça. Ça, c'est pas correct d'agir comme ça. Et des fois, c'est ça, parce que surtout des fois, comme par exemple, nous, on était des convertis, et on se réunit ensemble, on commençait à apprendre l'islam, des fois, et puis, on voyait, par exemple, que les gens qui sont venus, par exemple, au Canada, il y en a parmi eux, on dit, mais subhanallah, ces gens-là, ils sont venus ici, et là, on commence à apprendre l'islam, on commence à réaliser qu'ils sont loin de l'islam. Donc là, on commence à les critiquer, des fois. Et il faut comprendre que, même s'ils ont des faiblesses ou des manquements dans leur islam, il ne faut pas les généraliser ou les critiquer de façon générale en disant, ah, les Arabes, regarde, ils sont comme ça, ils ne pratiquent pas l'islam. Ce n'est pas tous les Arabes qui sont comme ça. Il y en a qui sont corrects, il y en a qui ne sont pas corrects. Il y en a qui sont des mu'minines, il y en a qui sont des munafiqines, il y en a qui sont des kuffars, il y en a qui sont autre chose. Mais il ne faut pas généraliser tout le monde dans une seule catégorie pour dire tout le monde sont comme ça. Si tu généralises de cette manière, là c'est sûr que tu vas tomber dans l'injustice. Tu tombes dans l'injustice en faisant ça. Donc le cheikh il dit ça, c'est pas permis. Il dit tant que il dit madame al-akhar musliman, fahuwa akhouk. Tant que l'autre c'est un musulman, c'est ton frère. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les croyants ne sont que des frères. Donc ça c'est le verset 10 en surat al-hujurat. Qu'il soit arabe ou non arabe, qu'il soit un djinn ou un être humain, c'est ton frère. Subhanallah. Donc si les djinns là c'est tes frères et tu les vois même pas, que des êtres humains qui sont de d'autres pays ou d'autres origines ou d'autres couleurs, tu les vois, oui, ce sont tes frères, tu dois les aimer et tu dois être avec eux correct dans l'islam et dans la foi, parce que ce sont tes frères dans l'islam et dans la foi. Le cheikh il dit, au madhab, من مذاهب العلماء كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري وغيرها لا يجوز أن نتعصب لها إنما نأخذ بالدليل ما وافق الدليل أخذنا به سواء كان قول إمامنا أو قول غيره كل العلماء أئمة ولله الحمد وكل علماء أهل السنة وكل العلماء أئمة ولله الحمد وكل علماء أهل السنة أئمة وكل علماء أهل السنة أئمة فأبو حنيفة إمام لنا والشافعي ومالك وأحمد أئمة لنا لا نتفرق أنا حنفي أنت حنبلي كذا وكذا نحن نتبع الدليل إذا لاح لنا الدليل سواء كان مع إمامي أو إمامك فهو المتبع ولا نتعصب لرأي إمام أو مذهب إمام بل نتمسك بالحق لشيخ الزي أو بيان مذهب parmi les مذاهب des علماء comme par exemple de s'accrocher à un madhhab par rapport à au fait que nous on appartient à ce madhhab. Le madhhab, c'est-à-dire que il y a des ulama qui ont vécu dans les premiers siècles de l'islam et eux ils ont eu des disons ils ont étudié l'islam toute leur vie, ils ont eu tellement de sciences, hein, ils ont fait des ijtihad sur différentes questions et les élèves de ces grands imams ont rassemblé les positions de ces différents imams, ils les ont recueillis dans des livres et après ils se sont dispersés dans différentes régions du monde musulman pour enseigner ces positions-là. Donc ces positions-là sont devenues plus célèbres que les autres. Et là on a appelé ça des madahib, les positions les voies ou les positions hein, ou les opinions de ces différents savants-là, comme Abu Hanifa. الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد الإمام داود الظاهري et d'autres. Donc ça c'est des madhahib parmi les madhahib des ulama de la sunna. Le cheikh dit c'est pas permis d'être fanatique envers ces écoles ou ces positions des ulama. On doit prendre uniquement selon la preuve. OK? Qu'est-ce qui est en accord avec la preuve du Coran et de la sunna dans les paroles de ces imams, on le prend. Peu importe que ce soit notre imam ou l'imam d'un autre madhhab, on doit prendre la preuve si la preuve est en accord avec sa position. Hein? Donc tous les ulama sont des imams, alhamdoulillah. Et tous les ulama d'Ahl Sunna sont des imams. Et il dit que Abu Hanifa, c'est un imam pour nous. C'est-à-dire que notre imam, ce n'est pas seulement l'imam du madhab qu'on suit si on suit un madhab. Par exemple, quelqu'un il est maliki. Son imam, ce n'est pas seulement l'imam malik. Son imam, c'est tous les imams d'Ahl Sunnah. Exactement. Exactement. Le cheikh Al-Fawzan, il est du madhab Hanbali. Alaykoum salam wa rahmatullah. Hein? Mais quand, des fois, sur certaines questions, quand il enseigne les positions, il va faire un darf sur le fiqh, il va dire ça c'est la position de l'imam Ahmed, mais la vérité est dans l'autre position, elle n'est pas dans la position de l'imam Ahmed sur cette question-là, il le contredit son imam. Pourquoi? Parce qu'il suit la preuve, il ne suit pas l'imam aveuglément, il n'est pas un prophète. Donc maintenant que dire des chouyours soufis hein, aujourd'hui dans les turq, quand le cheikh il a dit quelque chose, tu peux le ramener, le Coran au complet, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques, tu lui montres les preuves, tu dis regarde, ça c'est dans le Coran, regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit le contraire de ton cheikh, il dit ah non, moi je suis mon cheikh, il connaît plus que toi, hein, il connaît plus que toi, subhanallah, ça c'est l'aveuglement, c'est ça le ta'assoub, c'est ça le da'wa al-jahiliya. Donc le cheikh il dit tous ces imams là sont nos imams à nous. Il dit Abu Hanifa c'est notre imam, et Al-Shafi'i c'est notre imam, et Malik et Ahmad ce sont nos imams. Et on ne fait pas de distinction en disant par exemple, moi je suis Hanafi, toi tu es Hanbali, et toi tu es Shafi'i, et toi tu es ainsi de suite. L'important, c'est de suivre la preuve. Peu importe que ce soit en la preuve, par exemple, de ton imam ou de l'imam de quelqu'un d'autre, l'important, c'est qu'on suit la preuve. Et on ne doit pas être attaché fanatiquement à l'opinion de notre imam, parce que c'est notre imam, on le suit, même s'il a tort. Ça, c'est incorrect. On doit s'accrocher à la vérité. Il dit ensuite, « Au-tariqa ». Au-tariqa, من طرق الصوفية فالصوفية لهم طرق كل طائفة لها طريقة ولها شيخ وهم يتعصبون لهذه الأشياء كالنقشبندي والتيجاني والبرهاني والقادري إلى غير ذلك لهم طرق كثيرة والإسلام ليس له انقسامات الإسلام هو إسلام واحد والمسلمون إخوة وليس هناك نقشبندي وقادري وبرهاني وغير ذلك كل هذه من كيد الشيطان للمسلمين الواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة وأن يعملوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عليه سلف وبما عليه سلفهم الصالح الشيخ الإكسليك إلزي ou bien une tariqa, de s'accrocher fanatiquement et aveuglément à une tariqa parmi les turq soufiyya. Comme par exemple, les confréries, c'est ce qu'ils appellent les confréries, les turq. Ok? Cheikh il dit, toutes ces turq soufiyya, ces confréries, elles ont un cheikh. Hein? Ils ont une tariqa, ils ont un cheikh. Et eux, ils s'accrochent fanatiquement à ce cheikh et à cette tariqa. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ils font même de la publicité pour leur tariqa, pour inciter les gens d'entrer dans leur tariqa avec eux. Et pour faire des publicités comme ça, ils inventent même des mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont dire par exemple, si tu rentres dans ma tariqa avec mon cheikh, il va te mettre sur son dos, il va te faire entrer au paradis au jour de la résurrection. Des histoires comme ça, yani. Et ils racontent des fables et des mythes, hein, des choses complètement mensongères, hein. Donc ça, c'est des exemples. Donc, il dit qu'il s'accroche à ce genre de choses-là. Parmi les turq soufiyya que le cheikh il a mentionné, il donne des exemples comme la tariqa naqshbandiya, la tariqa tijaniya, la tariqa burhaniya, la tariqa al-qadiriya. Il y en a plein comme ça. Je pourrais continuer à énumérer des turq soufiyya comme ça pendant 2-3 minutes sans m'arrêter. Parce qu'il y en a des centaines. Tout ça, ça rentre dans les sectes. Et à l'intérieur du soufiyya, le soufisme, c'est une secte. Et à l'intérieur du nom soufiyya, il y a toutes ces petites sectes à l'intérieur. Il y a les 73, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 73. Ça se peut que parfois il y en ait plus, ça se peut qu'il y en ait des fois il y en ait moins, ça peut augmenter, certaines fois ça peut diminuer. Hein, il y a un cheikh qui a expliqué ça une fois. C'est que des fois, il y en a beaucoup plus que 73. Et le cas actuel, il y a plus que 73 sectes maintenant. Mais l'important à comprendre, c'est qu'il y en a une seule qui est au paradis et les autres sont en enfer. Hein? Et quand on voit le hadith, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les chrétiens, ils étaient divisés en 71, non, les juifs en 71, les chrétiens en 72, et cette umma sera divisée en 73 sectes. C'est pour dire que les musulmans, ils vont être divisés encore plus de sectes que les juifs et les chrétiens. Hein? Et une seule sera au paradis, les autres en enfer. Et quand les sahabas ont demandé c'est laquelle, il a dit « Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi » celle qui suit ce que moi-même je suis aujourd'hui et mes compagnons. Maintenant tu vas aller voir les soufis et tu leur dis « Est-ce que vous, qu'est-ce que vous suivez ? C'est ce que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ?» Et s'ils prétendent que oui, alors là, on peut leur montrer les preuves que c'est pas vrai. Parce que quand ils font, par exemple, leur dhikr, qui est contraire à la sunna, hein, quand ils font leur danse et leur chanson, dans la mosquée avec les tambours, hein, le hadra, hein, quand ils font ça dans la mosquée, quand ils font yani, le maulid nabawi, on peut leur prouver que c'est pas qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, ni les sahaba, hein, quand ils parlent de wahdatul wujud et de hulul, de toutes ces fausses croyances que Dieu est un avec la création, hein, que certains individus ils deviennent un avec Allah, ça c'est pas la croyance des sahaba et c'est pas la croyance que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc on peut les éliminer, on peut dire que ces gens-là ils font pas partie du groupe sauvé, les soufiyins font pas partie du groupe sauvé parce qu'ils ont des bid'ah et même des fois ils ont du shirk parce qu'ils adorent les tombes et les morts et ils font toutes sortes d'autres pratiques qui sont contraires à l'islam. Donc toutes ces pas tous, il y en a des soufis qui adorent les tombes et qui font ça, mais il y en a d'autres qui le font pas. Il y en a qui les suivent par ignorance, mais l'important c'est de comprendre que les soufis sont divisés en deux catégories. Il y a al-roulat, les extrémistes parmi les soufis qui croient en wahdatul wujud, qui croient en al-hulul et qui ont ces pratiques de shirk, qui adorent les tombes, eux qui sont en dehors de l'islam. Maintenant il y a les autres soufis qui croient pas en ces choses-là et qui pratiquent pas ces actes de shirk, mais qui font des bid'ahs. Par exemple, ils vont faire leur dhikr, hein, ils vont prendre la bay'ah à un shirk, des choses comme ça. Tout ça, ça fait partie des innovations, ça fait pas partie de la sunnah, mais ils restent quand même musulmans, tu vois. Mais il faut distinguer entre les deux catégories. Ben, je veux dire, ils font pas partie du groupe sauvé, parce que ceux qui font partie du groupe sauvé, c'est les musulmans qui n'ont pas fait shirk et qui n'ont pas fait bid'ah. Donc ceux qui ont fait des... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ils font pas partie du groupe sauvé, c'est ça? Ouais. Non, je dis, ils font pas partie du groupe sauvé qui est le groupe parmi les 73 qui va être au paradis, c'est ça ce que je voulais dire. Yani, dans toutes ces turuq, le cheikh il dit, yani, elles ont un cheikh et puis les gens sont accrochés à ces différentes turuq là. Et le cheikh dit, l'islam, elle n'a pas des différentes sections à l'intérieur. L'islam c'est une religion pour tout le monde. Il n'y a pas des parties à l'intérieur de l'islam ou des groupes à l'intérieur de l'islam ou des sections à l'intérieur de l'islam pour dire, par exemple, moi, je suis musulman, mais à l'intérieur de l'islam, je suis dans un autre groupe. Hein. Il y a des autres sectes comme ça. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un, il est musulman, il se convertit à un groupe à l'intérieur de l'islam. Ça, c'est grave. On est tous musulmans, et une fois que tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah », tu n'as pas une autre témoignage à faire pour entrer dans quelque chose d'autre. Hein. Tu es musulman. Tu n'as pas à donner une bay'a à quelqu'un d'autre, excepté à un dirigeant. S'il y a un dirigeant dans un pays, tu dois lui donner la bay'a, tu lui donnes la bay'a. Mais donner la bay'a à un cheikh d'une tariqa, ça ne fait pas partie de l'islam. Et les soufis, comment ils sont rusés, Allah musta'an. Je suis allé une fois dans un site de ces soufis, et il donnait comme un exemple, il dit, ah, il y a des salafis qui critiquent les soufis parce que on donne la bay'a à un cheikh. Il dit, eux-mêmes, ils ont donné la bay'a à l'époque de Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils ont donné la bay'a au cheikh. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont mélangé? L'affaire, c'est que le fait que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a donné la bay'a au roi Mohammed ibn Saoud. Et Mohammed ibn Saoud, c'est un dirigeant. Donc, c'est permis de donner la bay'a à un dirigeant. Mais c'est pas permis que des musulmans, lorsqu'il y a un dirigeant, ils vont donner la bay'a à un cheikh soufi, alors qu'il y a déjà un dirigeant. Ça, c'est pas permis. Mais dans toutes les turuqs, ils font ça. Hein, dans les pays musulmans maintenant, à l'intérieur d'un pays, Même des fois, celui qui est président, il donne la baie à un chef, alors que c'est lui le président. Ça c'est ridicule. Donc, il n'y a pas ça. Et les soufis, ils se basent sur quoi pour faire ça? Ils se basent sur l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahabas donnaient la baie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous, on donne la baie au chef. Mais ils ne comprennent pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il représentait le chef d'État des musulmans, le dirigeant des musulmans. Et donc, on lui donnait la baie par rapport au fait qu'il était le dirigeant des musulmans. Maintenant, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ont donné la bay'a à qui? À Abu Bakr Siddiq. Ils n'ont pas donné la bay'a à d'autres personnes que à celui qui était le dirigeant. Et ainsi de suite. Après ça, il y a eu Omar, après il y a eu Othman, après il y a eu Ali, et ainsi de suite. Chaque fois qu'il y avait un nouveau dirigeant ou un nouveau khalifa, il donne la bay'a à ce dirigeant-là. On n'a pas jamais entendu à l'époque des sahaba que pendant le khilafa d'un d'entre eux, quelqu'un d'autre prenait des bay'a en dehors du khalifa. Ça, ça n'existe pas dans l'islam. Mais ça, ça fait partie des exemples de bid'a que ces gens-là ont ramené. Donc l'islam, il n'accepte pas des sections ou des séparations à l'intérieur d'elles-mêmes. L'islam, c'est un seul islam et les musulmans sont des frères. Hein? Et donc, il n'y a pas de naqshbandi, Qadiri, Burhani, Tijani, hein, et on peut rajouter encore Boutchichi, et Jisti, et yani Shazili, et yani, on peut continuer comme ça jusqu'à la fin. Donc pour dire que toutes ces toroqs-là, c'est des toroqs d'égarement et des groupes de bid'a. Et tout ça, ça fait partie des ruses du shaitan contre les musulmans. Et l'obligation pour les musulmans, c'est qu'ils soient une seule jama'a, hein, un seul groupe, tous réunis ensemble, qui travaillent selon le Coran et qui travaillent selon la sunna du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui suivent ce que suivaient les salaf al-salih. Hein. Et ça c'est de suivre la voie des salaf al-salih, ça c'est important. Parce que beaucoup de musulmans ils connaissent pas la voie des salaf. Ils connaissent pas qu'est-ce que suivaient les sahaba et c'était quoi leur aqidah et ils savent pas non plus après qu'est-ce qui s'est passé comme innovation. Et comment les groupes sont apparus et les sectes aussi sont apparus. Donc étant donné qu'ils ne connaissent pas ça, souvent ils ne savent pas distinguer entre le vrai et le faux par la suite. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit فَهُوَ مِنْ عَزَىٰ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَهُوَ مِنْ عَزَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ كُلُّ هَذِهِ الْأُمُورِ يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إِنَّهَا مِنْ عَزَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ تَعَزَّى بِعَزَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِدُّوهُ بِهَنِئَ بِهِ ولا تكنو. Ça c'est rapporté par l'imam Ahmad. Le cheikh il dit que tout ça, ça fait partie de la jahiliya, hein, des choses qui sont reliées à la jahiliya ou de chercher la fierté par des choses de la jahiliya. Cheikh l'islam il a fait rentrer tout ça dans la jahiliya. Quand on s'associe ou on cherche notre fierté dans notre origine, dans notre pays, hein, dans notre lignée, dans notre madhab, dans notre tariqa ou des choses de ce genre, tout ça, ça rentre dans la jahiliya. Et il mentionne un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad selon Ubay ibn Ka'b, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui cherche la fierté, hein, ou qui cherche à s'affilier à la jahiliya, alors dites-lui de mordre les parties génitales de son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Il dit, celui qui cherche la fierté dans la jahiliya, les affaires de la jahiliya, dites-lui de mordre les parties génitales de son père et, hein, il a dit ensuite, voilà taknou. C'est-à-dire, dites-le tel quel. C'est-à-dire, ne cherchez pas des, comment on dit? Ouais, c'est ça. Ne cherchez pas un moyen pour atténuer le mot en utilisant un autre terme. Comme des fois, par exemple, tu cherches un... Il y a un mot en français là que les frères m'avaient donné la dernière fois. Non, il y a un terme français là pour dire... quand tu veux dire quelque chose, tu utilises un autre mot qui est plus... Non, pas périphrase. Hein? Non. Ouais, c'est un mot spécifique. En tout cas, il me revient pas à l'esprit. Mais c'est pour dire que, non, pas un lapsus, non, c'est pas un lapsus. Parce qu'un lapsus, c'est quand tu le fais intentionnellement, tu vois. Oui, quand tu, un lapsus, c'est tu fais pas intentionnellement, tu te trompes. Un lapsus, c'est ça. Exactement. Donc là, c'est dans le cas où, par exemple, tu veux pas dire un mot honteux, parce que tu trouves que c'est honteux de dire cette parole-là, alors tu vas dire un autre mot à la place, au lieu de dire ça. Donc là, le professeur Sami dit non, ne faites pas ça, dites-le, le mot tel quel. فَأَعِدُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تَكْنُوا وَلَا تَكِنُّوا. Et ensuite, pour terminer, le cheikh dit وَلَمَّا اِخْتَصَمَ مُهَاجِرِيٌ وَأَنْصَارِيٌ فَقَالَ الْمُهَاجِرِ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْأَنْصَارِ يَا لِلْأَنْصَارِ قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم غضب لذلك غضبا شديدا. Donc, lorsque les deux jeunes se sont disputés, le Muhajiri et le Ansari, hein, le Muhajiri il a dit aux Muhajirin, venez m'aider, et le Ansari a dit aux Ansar, venez m'aider, et le prophète صلى الله عليه وسلم s'est mis en colère, il a dit, est-ce que vous appelez par l'appel de la Jahiliya alors que je suis parmi vous? الشيخ يقول ومع أن لفظ المهاجرين لفظ شرعي لفظ شرعي ولفظ الأنصار لفظ شرعي أيضا ولكن لا يجوز أن نتعزى بالأنصار والمهاجرين فالمهاجرون والأنصار إخوة وهم جماعة واحدة لا نفرق بينهم فننتسب لبعضهم ونترك الآخر كلهم إخواننا أكسيمور je sais pas je me rappelle plus وعليكم السلام je crois pas que c'est un أكسيمور donc le cheikh il a dit donc le, regardez comment même le prophète صلى الله عليه وسلم s'est mis en colère lorsque ces deux jeunes ont appelé chacun leur groupe respectif pour leur venir en aide alors que les termes qu'ils ont utilisés sont des termes qui font partie des termes de la charia. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il glorifie les muhajirin et il glorifie les ansar. Donc d'utiliser les termes muhajirin et ansar, c'est des termes qui font partie de la charia. Et malgré ça, le fait qu'ils l'utilisent dans ce contexte-là, hein, de dire à quelqu'un, oh les muhajirin, venez m'aider. Et l'autre qui dit, oh les ansar, venez m'aider. Au lieu de dire, oh les musulmans, venez m'aider, parce qu'ils sont tous musulmans, donc de l'utiliser de cette manière-là, ça c'est pas correct. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. C'est comme je disais tout à l'heure, si quelqu'un disait, bon dans la mosquée, hein, toi par exemple, moi je suis haïtien, je dis, ok les haïtiens, venez m'aider, contre ces autres-là qui m'ont fait du mal. Au lieu de dire, oh les musulmans, venez m'aider, parce qu'on est tous des frères. Alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, c'est ça. Là, ça aurait été autre chose. Donc, le cheikh, il dit, ils sont une seule jama'a. Hein, on ne doit pas faire de distinction entre eux, entre les croyants, parce que tous les croyants sont des frères. Les muhajirin et les ansar sont des frères, et ils sont une seule jama'a. Hein, et on n'a pas le droit de faire des distinctions entre eux, de prendre un et de laisser l'autre. Et c'est ça ce qu'il disait en fait, c'est comme tu disais, s'il avait dit « Oh les muhajirin et les ansar, venez m'aider, chacun des deux », là, ça aurait été correct, mais le fait de spécifier « le muhajirin il appelle les muhajirin et le ansar il appelle les ansar », là, ça c'est pas correct. Donc nous on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine. Ah oui, la semaine prochaine il n'y aura pas de cours. Parce que je vais voyager, mais bon, on reprendra après, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayhi.